êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Sébastien Dulune nous présente l'émission Aboyons culture avec Jean Bonlieu. On reçoit Véronique Mire avec sa chronique du bureau de réussite étudiante. Et on parle d'un spectacle Le temps d'une culture avec Alexandra Carignan. Assemblage requis commence maintenant. Hey, le loup un matin. C'est un chien. Ah, oh, c'est un chien. Aboyons culture. Bienvenue à Assemblage requis en ce lundi matin, 15 octobre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. On est en direct des studios de C'est Fou. 89. Je suis pas capable d'imiter un animal, François. Tout est bon pour les chats. Les chats, ouais, c'est ma principale qualité. Comment tu fais ça déjà? Wow, tu veux attendre un peu là? Live demain, le matin. Ouais, tu me prends de cours un peu. Oh, j'ai envie de te flatter! Touche-moi pas. Je vais me retenir. Donc, bon matin, bon début de semaine, bonne mi-octobre, ou peu importe. Ouais, déjà, hein? Oui, déjà, le 15 octobre, sérieusement, ça va très vite. Et puis, écoute, Mathieu, on pourrait parler peut-être ce matin de déguisement d'Halloween. Ah, oh, bonne idée! Rapidement, peut-être. Écoute, si on a le temps, sinon, écoute, on remettra ça un peu plus tard cette semaine. Parce que... Les gens cherchent, là. Ils ont besoin de conseils et c'est bientôt la date limite pour acheter. Vous avez deux semaines, là, en fait, là, pour vous préparer. Là, donc, voilà. Et puis, j'ai vu en fin de semaine, Mathieu, des déguisements qui pourraient te convenir parfaitement. J'ai des doutes, là. non, vraiment pas. En fait, là, quand les gens connaissent ton surnom, La Verge... Ouais. On cache pas de ça. Non, difficile de se cacher, en fait, ça se voit. Ouais. Et puis, tabarouette, tu pourrais être bien servi. Un trépied. Ah, écoute, plein d'affaires. Bon, on en parlera plus tard. En tout cas, si pas aujourd'hui, au moins cette semaine. Aussi, à l'émission d'aujourd'hui, on va avoir plein de choses à faire. On va commencer avec C'est un fait, en début d'émission. On va faire ça, clic, clac, clac, clac. Après ça, 7h30, Sébastien Dulude arrive. Bing! Pour Va voir ailleurs, j'y suis, sa chronique. Okay. Et là, aujourd'hui, il nous fait l'émission pilote presque de nouvelle émission de radio, le très connu sur le 109.6 FM. OK. Aboyons culture, avec Jean Bonlieu. Jean Bonlieu. Jean Bon! Ouais. Jean Bon. Ensuite, à 8h, Véronique Mire sera là. Du bureau de la réussite étudiante, évidemment. Et je pense que, en fait, j'ai pas ça sous la main. Mais je pense qu'elle va nous parler de la préparation pour les examens qui s'en vient incessamment, pour ceux qui n'en ont pas eu encore. La mi-session, c'est là que ça se passe. Tout à fait. On s'en va vers la semaine de relâche, donc au moins vous avez un objectif à atteindre. Semaine de relâche qui est aussi une semaine de travaux et d'études, donc ça. Ouais. Je sais pas on si est supposé vraiment... faire des travaux et d'études, mais bon. Souvent, après l'examen, en fait, t'as plus d'études à faire. C'est ça. Soit dit en passant. Voilà. Et finalement, à 8h30, Alexandra Carignan, sa chronique Le temps d'une culture. Hein? Le temps d'une culture. Oui. Elle va nous parler d'art et spectacle, comme elle le fait si bien à chaque semaine. On va débuter, par contre, avec la musique de Paul de Léon. Voici Taché au 89 FM. C'est fou, bonne émission, bonne semaine. C'est officiel quand je dis ça. Bonne émission. Le loup en matin. Le pantalon le plus taché de toute l'histoire de l'art, visage souillé de fusain noir, pinceau rempli d'espoir. L'impressionnisme impressionne les

Get Up Kids et la pièce Close to Me. J'adore ça. C'est bon. Cette pièce-là, et le matin, hein? Hein, le matin? Qu'est-ce qu'il y a le matin? Ça fait bien le matin. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire de plus le matin? Est-ce qu'on parle de Red Bull Stratus d'hier? On peut en parler, Mathieu. Ça va me faire plaisir. Écoute, moi, je trouve ça très impressionnant, malgré qu'il y en a qui disent pas ça. Ben, il y a des rabat-joie partout dans la vie et ils se reconnaîtront. J'ai ça sur Facebook, tu sais. Bon, le gars, bon, on rappelle l'événement, là, il a sauté de la stratosphère de la Terre. La stratosphère, juste. C'est loin. C'est très loin. Sauté avec son habit, son parachute. Sur Facebook, je disais le commentaire, c'est un échec. Le gars, c'est un échec. Il a pas battu son record de distance parce qu'il a ouvert son... Parce qu'il l'avait déjà fait à 97 000 pieds. C'est pas, ouais, c'est ça. Il avait déjà tenté, mais en fait, là, à partir de la stratosphère, ce qui était 130 000 pieds, je pense, okay. Il a sauté. Il a ouvert son parachute 20 secondes trop tôt, quelque chose comme ça. J'ai pas les détails exacts, mais c'est à peu près ça. Donc, les gens disaient que c'était un échec. Non, le gars, c'est le contraire exact d'un échec. Et le gars faisait pas ça pour battre des records. Là. Ben, le record de vitesse. Il voulait dépasser la vitesse du son. Ouais, mais il voulait aussi... Ouais, c'est ça, exactement. Mais il voulait aussi, tu sais, montrer que c'était possible. Puis, tu sais... Oh, ouais, c'est ça, exactement. Et puis, tabarouette, hein, c'est... C'est fait, ça. C'était assez impressionnant, je trouve. Ouais. Moi, personnellement, écoute, j'ai vu en direct, sur Internet. Ouais, ouais. C'était un des 8 millions sur YouTube. L'ascension. Après ouais. Ça, il a fallu que je quitte. Donc, j'ai pas pu voir en direct le saut. J'étais allé voir par après, par exemple, un petit condensé. Là. Des meilleurs moments, comme c'est fou off. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'inspiration, d'ailleurs. On bat des records, nous aussi. Et puis, tabarouette. J'ai été complètement abasourdi. Ça va tellement vite. Ouais. Ça va tellement vite. C'est vu, imprenable. Et C'était bien fait. C'est ça, ben c'est ce que je trouve bien parce que ils sont associés, en tout cas Red Bull s'est associé avec eux, donc la compagnie de boissons. Et puis donc ils avaient du budget à mort pour faire avoir des caméras haute définition et prendre la plus belle vue possible à partir de ce truc stratosphérique. Et c'est juste dommage que Red Bull soit associé à ça et non pas, admettons, quelque chose comme quand on est allé sur Mars récemment, tu sais, qui était une des plus grosses affaires de la vie depuis le début de l'humanité. Tu sais. Et puis ça, c'était comme, ça n'a pas reçu tant d'attention médiatique que ça. Il y a peut-être même des gens qui sont pas au courant que ça a eu lieu. Alors que ça, Red Bull Stratus, c'est bien le fun, mais c'est relativement, c'est plus petit. Tu sais. C'est super gros aussi, c'est très important, mais c'est petit. Mais c'est parce que je pense que les gens avaient quand même le goût de voir. Tu sais, les gens sont quand même cruels. C'est parce que c'est une personne, ils voulaient voir quelqu'un mourir. Ben, c'est ce qui était un peu ambigu. Et en même temps, écoute, je me dis, si Red Bull s'est associé à ça, ils n'ont pas le goût de s'associer à un mort. Non, mais t'as pas le goût de t'associer à un échec. Là. Donc, j'imagine que ça doit être préparé au quart de tour. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a été reporté. C'était supposé se faire mardi dernier, je me souviens. À cause de la pluie, je pense. Hein. Le vent. Ouais. Le vent soufflait très, très fort. Donc, ils ont remis ça à hier. Puis, t'as bon. Ouais. Moi, ça m'a impressionné. Exact. Non, mais tu apportes un très bon point. L'affaire que les gens veulent voir du monde mourir, là, c'est comme. Les gens regardaient NASCAR parce qu'ils voulaient voir des gens mourir, mais en même temps, tu as eu, je pense, 12 morts depuis les dernières décennies au NASCAR. Donc, il doit y avoir quelque chose de plus qui fait que les gens regardent à chaque semaine que juste attendre que quelqu'un meure. Ouais. J'imagine. Faut laisser le bénéfice du doute. Espérons-le. Donc, Red Bull Stratus. On aime ça. Ça faisait bizarre on de voir ça. On aime ça et on le fera pas. Ça faisait bizarre de voir le mot Stratos dans d'autres... Stratos, ouais, c'est ça. Donc voilà pour ce petit segment-là qu'on va transitionner pour aller s'apprendre d'autres choses parce que c'est bien beau, la pizza. Ouais. C'est très le fun. Ouais, la bon. Stratosphère, c'est le fun aussi. Ouais. C'est donc les deux sortes de Stratos. Mais... Il y a deux sortes de Stratos. Les deux seuls. Donc voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, vérifiables et véritables et un paquet d'autres choses qui commencent par V. Oui, et on va commencer avec un fait intéressant, je dirais, c'est qu'aujourd'hui même, OK, en ce 15, est-ce que c'est bien le 15 octobre? Ouais, on est le 15. Attends un peu, non, je pense que c'était il y a quelques jours, par contre. Ah, je pense qu'on est arrivé en retard. Hein? C'était le 11 octobre, qui était 8h09, minute, le 10, du 11, du 12, c'était la semaine passée, on l'a raté. On a raté ce moment fatidique là. C'est comme le Red Bull Stratus. On l'a pas raté. Il y en a qui l'ont raté. On l'a semi-raté. Ouais, c'est ça. Ah, je pensais que c'était aujourd'hui. Ensuite, ce sera pas trop long. J'attends le chargement de mon onglet. Sinon, ça va bien? Ouais. Ben oui. Je pensais qu'elle allait être chargée. Non. Le grand-père d'Abraham Lincoln s'appelait aussi Abraham Lincoln et il a aussi été tiré et tué. Non. Ouais. Appelle pas ton fils comme ça, c'est ça. Le mot allemand, Kummerspeck. Okay. Kummerspeck. Qu'est-ce que ça veut dire, Kummerspeck? Aucune idée. Ça veut dire du poids que tu as pris à cause de tes émotions. C'est manger ses émotions. Ah. En allemand, Kummerspeck. Kummerspeck. Ouais. Ensuite, une femme française a reçu 15 quadrillions de dollars en facture de téléphone. 15 quadrillions? Quadrillions, c'est beaucoup trop. Là, c'est un nombre de zéros insupportable. Et quand elle s'est plaint, Bouygues Télécom lui a offert de payer ça en paiement. Et non pas tout d'un coup. Ouais. C'est fin, hein? C'est fin, ça. Un bébé de 8 livres et 9 onces est né à Des Moines, en Iowa, le 10 du 11-12 2012 à 13h14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça, c'est un add-on. Puis ils peuvent pas inventer ça, c'est vraiment arrivé pour vrai. Oh boy. Oh boy ou encore oh girl, on sait pas si c'est un gros. Lorsque Newsweek a donné à 1000 citoyens américains un test de citoyenneté l'année dernière, 29% ne pouvaient pas nommer le vice-président des États-Unis. Ah ouais? 29%, c'est énorme. Puis le vice-président des États-Unis qui est évidemment... Joe Biden? Biden, exactement. Ouais, c'est bravo. Une mère chinoise. Alors ça, c'est vraiment ridicule. Je trouve ça drôle, mais en même temps, je trouve ça un petit peu pathétique. Ou pathétriste. Pathétriste. Oui, ben moi, je l'aime bien. Une femme chinoise a donné à ses 6 quadruplés identiques de 6... pardon. Ils sont 4, je pense, quadruplés. Aux dernières nouvelles. Je m'en suis même pas rendu compte. À ses quadruplés, 4 quadruplés de 6 ans. Okay, ils ont tous 6 ans chacun. Là. Pas le même nom? Non. Non? 4 coupes de cheveux différentes avec... Dans le fond, elle a rasé le tour de tête pour dessiner le chiffre 1 en cheveux. 2, 3, 4 à ses quadruplés. Quelle idée épaisse. Faut-tu être con? Voyons hey, c'est quoi? Excuse-moi, mais tu sais, donne-leur des coupes de cheveux différentes. Peut-être qu'il y en a un qui a toupette, l'autre qui n'a pas de toupette, l'autre qui a les cheveux plus longs, tu sais, cheveux médium. Tu peux varier médium sans avoir à mettre des chiffres sur leur tête. Franchement, c'est comme les traiter comme des vaches avec une estampe sur le bord de l'oreille. C'est assez particulier. Pour faire chaud, c'est n'importe quoi. Parlant de noms, de personnes qui pourraient avoir des noms comme des quadruplés, mettons. Les noms, je vais te demander de les deviner. Les noms qui ont le moins de chances d'être cliqués par des femmes lorsqu'elles visitent des sites de rencontres. 4 prénoms, c'est des prénoms, je te dirais, plus américains, anglophones, c'est ça. 4 noms que les gens cliquent pas, les femmes. Écoute, sincèrement, j'ai aucune idée. Les prénoms anglophones... Il y en a des quand même simples. Kevin. OK. Ouais, ça pogne pas, ça. Non, directement. Oh. Justin. Ça pogne pas non plus. C'est bizarre. L'autre, je le comprends. Marvin Gaye. Ouais. Et Dennis. Ouais. Je sais pas. Peut-être que ces deux-là sont peut-être des noms qui montrent un petit peu plus l'âge des personnes. C'est Marvin, Kevin, c'est rarement... Kevin, Justin Timberlake. Mais c'est ça, c'est trop... récent. Exact. En tout cas, je sais pas. C'était trop commun. Aucune idée. En Grèce, montrer sa paume, l'intérieur de la main, c'est une insulte. Ça veut dire « moutsa ». Ce qui veut dire mange la Ah ouais, montrer ta paume. Tu montres ta paume comme mange la bon, super. Moutsa. Napoléon, son vrai nom sur son certificat de naissance, il a été baptisé sous le nom Nabulion. N-A-B-U-L-I-O-N. Nabulion. Oui. John et Will Kellogg ont inventé les Kellogg's Corn Flakes, mais se sont chicanés parce qu'il y en a un qui voulait rajouter du sucre, l'autre ne voulait pas en rajouter. Ils sont chicanés. Okay. Pour les cornflakes, ça. C'est ça. Et si je me trompe pas, je crois qu'il y en a un des deux qui est parti et c'est devenu Kellogg apostrophe S, parce que sinon, ça aurait pu être Kellogg's comme les frères Kellogg's. Pas l'apostrophe, tu sais ça? Très bien. Il y a seulement une calorie de différence entre un bol de Frosted Flakes et un bol de Special K. Une calorie? Une calorie. De Frosted Flakes? C'est ce qu'Internet dit. Alors, c'est impossible. Attends un peu. C'est impossible. Je vais aller voir parce que je suis pas sûr de ce que j'ai. Spécial K, en fait, là, à ce qui paraît, c'est super santé. Bref, ils ont misé là-dessus. Attends un petit peu. Je cherche le nom de céréales. Ils parlent des céréales Frosties. Là. Je crois que je n'ai pas exactement... on l'a ici. Frosted Candy sont... c'est des bonbons vendus au Royaume-Uni. C'est pas des Frosted Flakes, ça s'appelle des Frosties. D'accord. Ah, bien. Moi, je croyais que c'était la même chose. Mais attends. Non, OK. Non. Corrige-toi. OK. Non, là, j'ai la réponse finale. Le final answer, c'est bien des Frosted Flakes parce que la boîte a le même lion-tigre dessus. Tony? Tony le tigre. Tony le tigre? Oui. Au Royaume-Uni, ça s'appelle les Frosties. Et non des Frosted Flakes. Une calorie de différence. Bon, c'est réglé. Là, on sait, selon Internet. Mais en tout cas, moi, Mais je vais vérifier, je pense. Ouais. Mec, j'ai à l'épicerie, là. Vérifie, mais je ferai confiance à ce site particulier. Non, c'est l'émission de télévision QI sur la BBC au Royaume-Uni. Ah, ben là, si, ça vient de la TV. Ben, BBC, tu sais, c'est pas LCN, c'est d'autres choses. Qu'est-ce que LCN? Qu'est-ce que c'est? Environ 75% des 1,2 milliard d'espèces d'animaux dans le monde, 75% sont des insectes, des espèces d'insectes. Des petites bébites. Des petites bébites. Le plus gros oiseau du monde est l'autruche, qui peut se rendre jusqu'à 9 pieds de haut et peser 400 livres. 400 livres. 400 livres, c'est pesant. C'est pesant. C'est comme l'équivalent, je te dirais, de plus ou moins 400 livres de beurre. Le cœur d'une girafe a une valve. En fait, a plusieurs valves spéciales qui aident à régulariser leur pression sanguine. Ce qui dépend, dans le fond, ça dépend de est-ce que la tête est levée ou descendue. Genre, la pression de sang vers la tête est quand pas il la mange même. Ou quand ils doivent se baisser. Exactement, pour faire différents actes. Eh bien. Comme manger ou boire. Les artères d'une baleine bleue, en fait, dans le cœur d'une baleine bleue, sont tellement grosses, ces artères-là. Est-ce qu'on dit une artère, je crois que oui? Une artère, oui. Qu'un humain pourrait ramper dans ces artères-là. Oh, tellement c'est gros. Ramper dedans. À ce point-là? Oui, oui. Service. On parlait d'autruches tantôt. Les autruches n'enterrent pas vraiment leur tête dans le sol comme on le croit, là, comme on dit s'enterrer la tête dans le sol comme une autruche. Là. Je sais pas c'est quoi l'expression, mais c'est sûrement plus beau que ça. Par contre, non, elles mettent leur tête et leur cou à plat sur le sol lorsqu'elles ressentent du danger autour d'elles. Ah ouais. Donc, elles s'enterrent pas vraiment littéralement la tête dans le sol. Les chevaux et les vaches dorment debout. Ah, eh ben, hein? Ça, je ne savais pas pour les chevaux, pour les vaches, il me semblait que je savais ça, mais je ne sais pas ça. Mais les vaches, il y en a qui se couchent, en fait. Il y en a sûrement qui se couchent aussi, ouais. Mais ils peuvent dormir debout. Oui, ils peuvent. Bon. Ils sont capables. Les papillons. Papillons. Boivent dans des flaques de bouette. Ah ouais? Uniquement? Non, mais ça leur arrive. Ah, OK. Ça leur arrive. Une abeille peut sentir avec ses genoux. Sentir les odeurs. Ah ouais? Sentir. En Égypte, dans le bon vieux temps, en Égypte dans le temps, là, Ancient Egypt, là, lorsqu'un chat mourait, c'était obligatoire pour son propriétaire de raser ses sourcils, pas au chat, mais à lui-même, pour montrer sa tristesse. Eh bien. À chaque mois, un surfeur sur Internet, le surfeur moyen sur Internet, visite 59 noms de domaines, c'est des .com, visite 1050 pages web et passe 25 heures à faire tout ça. Eh bien, en 2012, le surfeur moyen. De nos jours, si on compte Facebook comme étant un seul domaine, je pense qu'on pourrait se contenir en dedans de 3-4 domaines par mois là, pour la majorité des gens, malheureusement. Il y a encore 18 pays, d'ailleurs, qui n'ont pas de connexion Internet du tout. 18 pays. C'est beaucoup. Oui, quand même. Les grenouilles ont 4 doigts sur leurs pattes d'en avant et 5 sur leurs pattes d'en arrière. Les grenouilles. Ben Wilson est un artiste basé à Londres qui, depuis 2004, rend la ville plus jolie en faisant des peintures sur la gomme sur les trottoirs. Peinture sur la gomme? Sur la gomme que sur les trottoirs. Tu sais, des fois, il y a de la gomme sur les trottoirs, il fait des petits dessins dessus. Depuis 2004. C'est super, hein? Un petit peu, Il y a une fille qui s'appelle Kay Underwood. Je vous invite à aller voir sur YouTube, K-A-Y Underwood, qui a ce qu'on appelle la cataplexie. Ce qui veut dire... Ben, c'est aussitôt qu'elle a une émotion forte, comme, mettons, un fou rire, ses muscles vont devenir tout à fait faibles et va s'écrouler à terre. Ses genoux lâchent, puis elle tombe à genoux à terre. Puis elle va comme pas s'évanouir, elle perd pas conscience, mais aussitôt qu'elle a une émotion forte, tristesse, rire, n'importe quoi. Elle tombe. Kaboum, à terre. Pas plaisant, ça. Ça s'appelle c'est la cataplexie. K Underwood. K-A-Y Underwood. Les empreintes de pas des astronautes qui sont atterris sur la Lune devraient durer au moins 10 millions d'années. 10 millions, parce que la Lune n'a pas d'atmosphère. Oh! Ah! Ça, c'est impressionnant. On apprend des affaires un matin. Ben, c'est pas mal ça, le but. Hein? Si t'essaies de t'empêcher d'éternuer, ouais. Tu pourrais... te faire mal, je pense. Ben oui, c'est ça. C'est des vaisseaux sanguins. Ça pourrait être comme... Ben, je sais pas, ça dit rupture. Je sais pas si on peut dire percer. Ou en tout cas, ça peut causer un problème. Il peut se fendre. Il peut se fendre, je pense, serait un meilleur mot. Donc, un vaisseau sanguin, soit dans ta tête ou dans ton cou. Et oui, en effet, ça pourrait être fatal. Donc, éternuer comme il faut, tout le monde. Et dans l'intérieur de votre bras. Les trois noms de l'Ouest les plus connus en Chine. Okay? Donc, les trois noms de l'Amérique, les prénoms, okay? Ouais. Les plus connus en Chine sont Jésus-Christ, Jesus Christ, Richard Nixon et Elvis Presley. C'est les noms les plus connus qui sont d'origine américaine en Chine. Henry Ford a produit le Model T, sa voiture. Sa première voiture. 1920? Et en 1920, bravo. 1920, tu parles comme mes grands-parents. en noir seulement, parce que la peinture noire qui était disponible à l'époque était la plus rapide à sécher. OK. Donc, c'est pour ça que sa voiture était noire. Il nous en reste quelques-uns encore. Isaac Asimov est le seul auteur à avoir un livre dans chaque catégorie Dewey. sais, à la bibliothèque, t'as les Dewey Decimal System. C'est comme les petits chiffres à chaque rangée. Bon, la rangée, je sais même pas comment ça fonctionne. Genre, ouais. 119, c'est la biologie. Puis ouais. Bon. Donc, il y a un livre dans chaque catégorie de Dewey. Eh bien. Chaque décimal de la catégorie. Parce que je pense que Dewey, ça marche par genre grande catégorie puis des catégories. David Bowie, son œil gauche est dilaté en permanence parce qu'il était frappé dans la face sur l'œil quand il était jeune enfant. Donc, il a l'œil tout le temps dilaté. C'est bizarre quand même. Allez voir les photos. Steve Jobs, tu sais, Steve Jobs de Apple, oui. Croyait qu'il n'avait pas à prendre sa douche ou à porter de désodorisant tant et aussi longtemps qu'il mangeait seulement des fruits et légumes. Ah ouais. Si je mange des fruits et légumes, croyait. Pas besoin de prendre ma douche ni de porter de déo. C'est ce qu'il croyait. C'est ce qu'il croyait. Et d'ailleurs, les rumeurs voulaient que les employés chez Apple voulaient pas travailler avec lui parce qu'il sentait mauvais. Ah ouais? Mickey Mouse est connu sous le nom de Topolino en Italie. Topolino. Topolino. Mamma mia, Topolino. Angelina Jolie admet que ses enfants mangent des criquets comme ils mangeraient des Doritos. OK. Donc, ils mangent des criquets. Eh boy. Bon. Faut vouloir. Ouais. J'essaie de chanter le prochain effet. La nation Sioux, c'est des Sioux, je crois que c'est des Amérindiens, Sioux, S-I-O-U-X, ont donné à Kevin Costner une terre après qu'il ait fait le film Dances with Wolves, il danse avec les loups. Là. Ah ouh! Ils lui ont donné une terre? Oui, ils lui ont donné une terre et il a construit un terrain de golf dessus. Ah! Pourquoi pas? Ben, OK. Great Sioux Nation. Ouais. C'est où, ça? Dans quel coin? The Great Sioux Nation is divided. C'est divisé en trois régions. Lakota, le Western Dakota et l'Eastern Dakota. Donc, Lakota, Dakota et... Dakota. C'est aussi appliqué des fois un État dans l'Ouest des États-Unis. Ça a l'air long, cette affaire-là. Et quand on comprend rien, ça. Voilà. L'acteur Ryan Reynolds, est-ce que tu connais Ryan Reynolds? Non. Il a joué, entre autres, dans le film, là, il était déguisé en vert, en super-héros vert. Chose Green Lantern. Il jouait là-dedans, Green Lantern. Là. De rien, là. Non. La lanterne verte? Non. Frelon vert. Ah. En tout cas, gros film de super-héros. Là. Donc, Ryan Reynolds a eu un échec dans son cours d'art dramatique au secondaire. Restons dans les vedettes. Vince Vaughn, là, tu connais Vince Vaughn? Oh, oui, tout à fait. Il était considéré pour le rôle de Chandler dans Entre amis, Friends. Ah! Chandler, c'est Matthew Perry. Et justement, Matthew Perry, qui lui manque un bout de son majeur sur sa main droite à cause d'un accident. Il s'est fermé la porte dessus. Il a perdu un bout de son majeur. Eh bien. C'est triste, hein? Donc voilà, pour c'est un fait. On écoute Galaxy et on retourne en arrière avec Piste 1. Après ça, on revient avec Sébastien Dulude. Et va voir ailleurs, j'y suis. Oublie aussi comment on en revient.

Sébastien Dulude et son, en fait, son nouvel ami, Jean Bonlieu. Jean Bonlieu. Et son talk show à Boyon Culture. Oui, oui, oui, ouais, c'est une belle plateforme, ça va peut-être en venir, ça, ouais, cette émission-là. Hein? Ouais. La pestilence des mots. La pestilence des mots. 109, ça part bien. 196 FM. Hein? Ouais. Bon, ben merci les gars pour accueillir ça. C'est vraiment important de parler du côté de la médaille. Le côté de la médaille. C'est bien dit. Merci Sébastien Dulude. Bonne émission, les gars. Une autre chronique, viens voir, va voir ailleurs, j'y suis. C'est lundi prochain à 7h30. Pour l'instant, nous, on continue en musique, François-Olivier. Oui. Oui, on s'en va entendre du Grizzly Bear. Génial. Meilleur extrait Sleeping Youth au 89.1 FM, pas au 80. Ou 109.6. 89.9, alors c'est maintenant. Dyslexie, cette affaire-là. Hey, Colin. Hey, Colin. Straight on out the door, and I can't help myself. And I can't help myself. And I can't help myself. Peter, et la pièce c'est Carousel. C'est un extrait de l'album, une version améliorée de La Tristesse. Celle sur le palmarès de C'est fou en ce moment, c'est Les Chemins étoilés. Et vous pourrez l'entendre jeudi après-midi. J'adore Peter. Peter d'ailleurs, qui est en spectacle vendredi passé du côté Québec à la salle L'Union commerciale. Spectacle que j'ai raté, tu pourrais me taper sur la tête pour... Si mon bras est assez long, je le ferais. Ah! Sous la table, tes pieds des fois dépassent de se passer. Non, ça sera pas. Non. Hey, écoute, Mathieu, on va parler de costumes d'Halloween. Oui, c'est l'Halloween qui s'en vient dans deux semaines. C'est l'Halloween, c'est ça, exactement. Écoute, je sais pas, t'es-tu déjà déguisé? Alors Halloween, en fait, inévitablement, par la bande, je pense que tout le monde... T'as pas vraiment le choix, en fait. Les parents forcent leurs enfants, de toute façon, mais... Exactement. C'est un peu un passage obligé pour les gens qui aiment pas ça. Il y en a d'autres qui raffolent de pouvoir se déguiser, justement, une fois par année, justement, aller chercher les bonbons gratuitement. Il y a ça. On se cache pas que ça, c'est plaisant. Et ça continue encore aujourd'hui. Moi, ben, pas gratuitement, mais à rabais, là, le 1er novembre, mettons, ouais, c'est ça, exactement. Tu peux aller l'acheter directement et sans même... déguisé. Ouais. C'est l'avantage d'être grand. Ben, c'est ça. Moi, mettons que j'ai arrêté le plus tôt possible de passer l'Halloween. Okay. Surtout que je pouvais légalement dire « Ah oh, non, je passe pas l'Halloween. » Légalement. C'est ça. Je sais pas si je sais pas c'est quoi l'âge légal, mais bon. 14-15 ans, tu commences à avoir un petit peu plus. À même peut-être avant un peu, ouais. Toi? Écoute, à peu près la même chose. Peut-être un peu plus tard, là, malgré que j'aimais bien le fait d'avoir des bonbons gratuits. C'est ça. Bonbons préférés? Bonbon préféré, je pense que c'est quoi? C'est con, c'est de la gomme. Ouais, ben j'allais dire aussi des casse-gueules, des trucs comme ça. C'est le fun, ça. Ouais, ouais. Des Klondike, non. Non. La tire Sainte-Catherine, non, merci. Non plus. Non. Évidemment, bon, tout ce qui est petite palette de chocolat était un must. Ah oui. Et c'était quand même rare dans notre temps. Ça l'est peut-être plus aujourd'hui, là, mais c'était quand même rare. Des sacs de jujubes. Et des fruits en jujubes. Des Rockets aussi. Ah, ça, tu vois, j'ai jamais trouvé là-dessus, non? Non. Des genres de petits ronds convexes. Ouais. Genre des comment est-ce qu'on appelait ça quand on était jeune? Des pilules. Des pilules, c'est ça. Dans d'autres pays, ça s'appelle des Smarties. Des Smarties? Nous, on appelle les Smarties, c'est du chocolat, mais eux autres, ils appellent ça des Smarties de nos roquettes. Ah ouais, pour vrai. Bref. Là, donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est parler des costumes les plus populaires du moment, des inspirations de costumes à avoir, peut-être. Ouais, exactement. Écoute, parce que, évidemment, à chaque Halloween, on essaye. Écoute, bon, il y a tout le temps des classiques. Bon, on se déguise en pirate, super-héros. Petite policière sexy, infirmière sexy. Bibliothécaire sexy, moi, ça, c'est mon préféré. Ouais, plus dur à faire un peu. Mais bon. Des lunettes autour du cou. En tout cas. Mais c'est ça, en fait, tu sais, t'as toujours les classiques. On va essayer d'un peu penser à des nouvelles choses. Okay. Évidemment, écoute, on essaie de se baser sur ce qui s'est passé. L'actualité. L'actualité, exactement. On se rappelle que cet été, c'était les Olympiques. Ouais. Donc, ça peut être une bonne idée de se déguiser. Les mascottes avec un œil, là. Non, c'est pas ça? Des mascottes avec un œil? Il n'y a pas des mascottes aux Olympiques, là? Ben, sûrement, ça doit être difficile. Non, je sais pas, non, mais déguiser seulement en athlète. En Usain Bolt, mettons. Ouais, tu peux déguiser. écoute, ça coûte pas cher. C'est efficace. Pour que ce soit noir. Ben, tu peux te colorier. Ouais, c'est raciste. Tu peux te colorier. Ben, non, en fait. Je connais un gars qui s'était déguisé en Tiger Woods. Et c'était très bien réussi. Moi, très, très bien réussi, sérieusement. Est-ce qu'il a frappé sur des autos comme le vrai Tiger Woods? Non. Non. Mais, c'est ça. Écoute, tout ce qui est athlète, écoute, ça coûte pas cher. Ça peut être bien fait. Évidemment, bon, t'as le Village des Valeurs qui peut être une bonne alternative. Source, oui. Une bonne source, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bon, évidemment, écoute, on parle télé-réalité pour les amateurs. Jersey Shore. Snooki. Faut que tu baisses. Paulie D. Faut que tu coupes les gens. Ouais. Paulie D. The Situation. The Situation. Écoute, c'est des classiques qui peuvent être drôles. Oui. Et puis, tu mets la peau orange. Ben, c'est ça. Faut que tu le fasses jusqu'au bout, par exemple. Donc, ça, c'est pas raciste. Tu colorais la peau orange. Ben, en même temps, c'est. Ah, les gars. Ça ressemble à ça. Évidemment, t'as les grands politiciens. Bon, là, on pense évidemment à Obama. Justin Trudeau. Ouais, ça peut être une bonne alternative. En quoi qu'on pourrait se déguiser d'autre aussi en iPhone? Ah oui, iPhone 5. Ils viennent de sortir. Oui, tout à fait. Donc, ça peut être une bonne alternative. Mm-hmm. Évidemment, écoute, bon, t'as un paquet d'affaires, là. T'as aussi Angry Birds qui est quand même populaire cette année. Ouais, c'est bien. Je pense qu'en fait, on pourrait peut-être essayer de visiter autre chose. Ça va être trop fait. Ça va être vraiment surfait, les Angry Birds. Ils ont tellement de produits dérivés que les costumes vont se vendre. Là, ça va être pas possible. Tous les enfants dans les rues vont tous être en Angry Birds. Ils risquent d'en avoir beaucoup, tu sais. Ouais. C'est des Wish Charlie, mettons, tu sais. J'ai vu sur un article Wish Charlie, c'est une pas pire idée, ça. T'aimes ça? Ouais, Lady Gaga? Ouais, je suis pas sûr que je la reconnaîtrais, mais bon. Déguisez-vous en Lady Patate du dîner de con. Monsieur Avion. Ah, écoutez donc, dîner de con là-bas. Non. Et puis, écoute, moi, ce que j'aime bien des déguisements d'Halloween, c'est des grosses affaires. Ouais. C'est un gars qui se déguise en laveuse. Moi, ça me fait bien rire. Ouais. Des choses un peu singulière, là, un peu. L'autre fois, dans ma chronique sur les handicapés dans CNX, on a parlé de ça, un handicapé en chaise roulante. Ouais, c'est ça, exactement. Il s'était fait monter une table sur sa chaise, et puis il y avait un chapeau sur la table, et sa tête sortait du chapeau. Hein, ça peut être très cool. C'est écoute, parfait, une boîte de crayons, là, ça peut être ouais, une brocheuse. Ça peut être plein de choses. En fait, il faut juste prendre le temps, peut-être, de le faire. Évidemment, ça te prend des boîtes de carton, là, si tu veux. C'est difficile, il faut du talent quand même. Ils disent Twister. Ça prend le temps. Mais c'est ça, exactement. Et dans en fait, la rubrique des costumes un peu sexy, où tu sais, tu peux pas abuser nécessairement de ton costume, mais profiter un peu de la situation. T'as Twister. T'as l'alco-test, tu sais, où faut que tu souffles dans la machine. Oh non! Ça coûte-tu 2$ comme à l'université? Ben, tu mets ça dans quelle fente, t'as 2$? Hein? Ben, c'est pas nécessairement la fente, mais c'est où tu souffles. Ah, OK. Donc, il y a aussi les... C'est pour moi, ouais, c'est ça. Je passe à toi, Mathieu. Il y a aussi les je sais pas comment expliquer ça à la radio, c'est des endroits censurés. Où tu peux te mettre une pancarte censurée. Ben oui, le genre de la pixelisation ou des barres noires au bon endroit. Ça peut être très cool. C'est aussi. Il faut dire que, à l'Halloween, il fait quand même froid, donc faut penser à ça aussi. C'est ça, on est au Québec quand même. Sinon, écoute, t'as-tu des idées, toi, ou... Si j'ai des idées, j'en ai plein des idées, man. Vas-y. J'en ai plein, mettons, là. Moi, tu sais, je trouve très sexy Catwoman, moi. Le nouveau Batman qui est sorti, il y avait Anna Tawai là-dedans. Ça serait pas pire, ça. Sinon, qu'est-ce que j'aimerais voir? Moi, j'aime bien aussi le soldat vert, tu sais, comme mon jouet, là, quand t'es jeune, là, avec les pieds... ceux qui fondent facilement. C'est ça, exactement. Donc, ça, moi, je trouve ça cool. Il y a un nouveau film qui sort, le Wreck-It Ralph, là. Ah, je sais pas. Avec tous les personnages, les méchants dans les jeux vidéo, là. Donc, moi, c'est sûr que les méchants dans les jeux vidéo, genre un Bowser, j'aimerais ça. Mais tu sais, c'est comment réussir à faire un beau costume aussi. Faut que tu prennes la tête. Faut que tu aies soit quelqu'un dans ta vie qui est bon là-dedans, ou bien que tu le fasses faire ou que tu l'achètes. Moi, je suis pas capable. Pas de talent en bricolage. Non, mais sinon, écoute, tu peux aller voir aussi sur Internet. Ça peut te donner des idées. Ça peut te donner savoir un peu quoi faire, là, justement. Exact. Sinon, écoute, évidemment, on essaie d'éviter les costumes de princesse, les costumes un peu trop clichés, la sorcière, exactement. Etc. Un hot pocket, déguise-toi en hot pocket. Hot pocket, c'est quoi? Mais tu sais, la petite pizza que tu fais chauffer micro-ondes. Ah, les pizzas pas chauffées. Hot pocket! Non? Ça peut être une bonne idée. Un pizza pops, pas pire ça? J'aime ça. Ouais, ça peut être bien. Écoute, évidemment, des Legos, ça peut être drôle aussi. Oui. Il va y avoir plein de gens qui vont être déguisés en personnages de genre Glee. Hein. Ça, c'est sûr qu'il va en avoir. J'imagine, moi, j'ai ça, par exemple, quelqu'un qui se présente et demande des bonbons. Mais tu sais pas, il est déguisé en quoi? Ouais, tu veux pas nécessairement l'insulter, mais, tu sais, des fois, tu sais pas trop. C'est comme si tu savais, ah, c'est un beau costume, ça. Ouais, c'est pas ça. Dire ce que c'est. T'sais. Non, c'est ça, exactement. Ouais. Écoute, c'est comme ça que ça se passe. Et sinon c'est ça. En fait, usez de votre imaginaire. J'aime bien aussi, tu sais, pour les enfants, oui. Le petit gars déguisé en grand-père avec une petite marchette. Ah, c'est le fun, ça. Ça peut être très drôle. Sinon, genre, toutes les vedettes, là, tu sais, mettons, se déguiser en Nicki Minaj, là, tu sais, avec ses cheveux fluo, là, puis ces affaires-là, ça pourrait être le fun. Katy Perry, truc de même. C'est en tant que soit sexy, ça. Toi, t'aimes ça? C'est ça. Sexy. Sexy, hein? Quelque chose, c'est toujours le fun. Sexy. Et d'ailleurs, Mathieu, tu me fais penser à ça aussi. J'ai vu un costume où t'étais Drill Man. Comment? L'homme à la perceuse, si on veut. OK, oui, oui. Et en fait, la perceuse était au niveau de la taille, bon. Avec le forêt, si on peut appeler ça comme ça. Là. Et puis, c'était ça le déguisement. C'est ça. Ouais, c'était quand même... Ça me rappelle un petit peu le Dick in a Box, hein, de SNL. Là. Ça aussi, je l'ai vu. Mais ça fait des années. C'est sûr qu'il va y en avoir encore à chaque année. Les gens découvrent ça beaucoup trop en retard. Ils vont se mettre un cadeau de Noël à la taille et qu'ils vont pouvoir faire tourner d'une façon ou d'une autre, c'est sûr. Ça peut être drôle. Dick in a Box. Bon, c'est ça. Ça peut être drôle. Donc voilà, en fait, si vous avez des idées, vous pouvez nous appeler aussi. Hein. Oui. 376-5183 et passez nous laisser des commentaires sur la page d'Assemblage Rocky sur Facebook. Et est-ce qu'on va se déguiser à l'Halloween, nous autres? Je sais pas. Vous le saurez plus tard. On dira que oui à la radio, ça paraîtra pas que c'est pas le vrai. On va juste changer notre voix. C'est la fin de la première heure. On se retrouve dans quelques minutes avec Véronique Mire, sa chronique du Bureau de la réussite étudiante. Ça s'en vient juste là. Et après ça, on aura notre très bon ami Alexandra Carignan. Oui. Temps d'une culture. Mais pour l'instant, on écoute l'info campus. Restez là. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. De retour à Assemblage requis en ce lundi 15 octobre 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plan. Il est 8h07 et on est comme ça, on est en direct, on est sans filet et tout peut arriver. On est prêt à tout. Toute éventualité. Exactement. Et on reçoit Véronique Mire du bureau de la réussite étudiante. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Ça va, merci. Oui. Avez-vous sauté de la stratosphère en fin de semaine? De moins haut, un peu. Oui, c'est ça, de moins haut, exactement. De mon lit. Quand même, toujours vivant. Oui, on ne s'est rien cassé. Ça, c'est impressionnant, par contre, mm-hmm. Ce qu'il a fait... Félix Baumgartner. Baumgartner. Peut-être serait rebaptisé Monsieur Red Bull. Ouais, j'imagine. Écoute, avec l'argent qu'il a fait, ça va être assez. Jackpot. Il faisait pas ça pour ça, on le sait, mais. Non. Ouais. Il dit, tu mets ta vie comme ça, j'espère que tu t'attends un peu à avoir une petite rétribution. Mais ils ont bien orchestré ça pour être sûr qu'il meurt pas. Non, c'est presque 100% certain. Donc, Véronique Mire, bureau de la réussite étudiante, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de la mémoire. Okay. Donc, comment développer sa mémoire? De quoi on va parler aujourd'hui? La mémoire. De quoi on va parler aujourd'hui? C'était le... Ah, ah, ah, ah, je m'en rappelle plus déjà. En fait, pour faire le lien avec la préparation aux examens, t'as failli m'avoir, tu sais. Oui, mais je vous ai dit. C'est les mon deux, genre de le répéter 4 fois, tu sais. Donc, ça va être ça cette semaine. On est là, hein, toutes les étudiants. C'est là que ça se passe. C'est cette semaine ou sinon, c'est en revenant de la relâche. Mais il y en a que c'est quand même assez réparti. Ils sont pas trop dans le jus. Sûrement qu'il y en a là, ce matin qui étudient même pour l'examen qui va être dans 20 minutes, oh là, 8h30. Il est trop tard, là. Arrêtez de la radio. Ah, c'est ça. Il faut pas faire ça jusqu'à la dernière minute. Arrêtez de nous écouter. Non, en fait, il faudrait écouter la radio puis pas étudier à la dernière minute. Oh. Je vais revenir plus en détail tantôt. Faut changer les idées avant un examen. Faut éviter de faire ça, oui. C'est ce qu'on appelle l'effet de récence. On va y revenir tantôt, là, mais ça comme donne beaucoup trop d'importance. Oui, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Je te comprends. À une certaine partie de la matière. Donc, on va y revenir. Avant de commencer, des petits chiffres en vrac concernant la mémoire. Donc, au niveau de la mémoire ou des associations connues dans notre cerveau qu'on peut faire, là, des liens, là. C'est 800 suivis, un suivi de 800 zéros. Donc, les associations qui sont connues. Qu'on peut faire là, au niveau mnémonique ou au niveau intellectuel. Okay. Mais encore, ça pourrait être encore plus que ça. Il y a plusieurs théories à ce niveau-là. Il y en a qui disent que ce serait un chiffre qui, écrit à la main, serait 10 millions de kilomètres de long. De ce qu'on peut retenir dans une vie au complet? En fait, des associations connues dans notre cerveau. Donc, entre les synapses, là. OK. De liens qu'on peut faire, de choses qu'on se rappelle. Okay, c'est ça. Donc, qu'on peut. Il y en a qui font pas ça, là. Les petits tiroirs. Non. C'est ça que j'allais dire. Il y en a sûrement que c'est moins développé que d'autres. C'est plus développé, là, aussi. Oui, mais ça pourrait être encore mieux, hein, parce que c'est une infime partie, en fait. On le voit bien, là. Ce qu'on utilise. C'est ça. Le potentiel du cerveau. Pourquoi t'as dit on le voit bien, en me pointant? Hein? C'était vraiment pas voulu. On le voit bien. Voilà, je me rappelle pas avoir fait ça. Non, j'ai vu une entrevue avec une fille, une madame, à la télé, qui, elle, a une mémoire qui n'arrête jamais. Donc, elle a retenu tout ce qu'elle a entendu dans sa vie. Une date, n'importe quand, elle peut tout te dire ça. Elle a comme pas de d'arrêt à ça. Ah oui, il y en a. Puis ça se travaille, hein, c'est un muscle, en fait. Je voulais dire ça parce que, on a vu l'année passée, je pense, il y a un film qui est sorti, là, Sans limite, qui était dans cet ordre d'idée-là. Pierre Brassard, non? Non, le gars qui prend des pilules, là, puis son cerveau se développe, là, puis il devient super intelligent. Vous avez pas vu ça? C'était un bon film d'action qui est sorti l'année passée, non. Limitless. Eh ben non. Donc, avec le gars qui joue dans The Hangover. Ah ouais? Qui était dans l'autre film avec Kevin Bacon et 2 degrés de Kevin Bacon. Ah, je pourrais pas te dire, mais quoi que ce soit. T'écoutes Mathieu Plante. Donc, on dit que 95% des individus sont mécontents de leur capacité intellectuelle. Donc, c'est quand même beaucoup de gens, mais ça, c'est on aimerait tous en retenir plus. Ben c'est oui, sûr. C'est ça. Il n'y a personne qui est comme content. Waouh, moi, je suis content de ma limite. Non, mais en même temps, je pense que les outils technologiques qu'on a présentement viennent diminuer nos capacités intellectuelles. T'écris tout dans ton iPhone, tu l'oublies. Tu sais, quand tu étais jeune, tu voulais appeler ton ami, tu connaissais par cœur son numéro de téléphone. C'est vrai. Mais à cette heure, on le programme. Même chose sur les courriels, même chose. On passe par Facebook, on n'a plus à y penser du tout, ça. Mais oui. Fait que de là, écoute, ça peut jouer un peu, là, mais... Les technologies ralentissent. Ben, ils sont là pour nous aider, mais en même temps, ont un petit effet pervers dans le sens où peuvent diminuer nos... Mais en même temps, ça nous aide à retenir d'autres choses. Comme ça, t'as pas à retenir les numéros de téléphone, tu recommences à retenir d'autres choses. J'imagine. J'ose espérer. Leur date de fête, peut-être. Même là, non, ça aussi, non, tu l'oublies. Non. Ben en fait, c'est que ça fait qu'on n'a plus trop d'efforts à faire. Ça dépend de quoi, là, de quoi ça dépend on de parle. Quoi. Mais à l'école, écoute, faut en faire. Il y a beaucoup de gens qui sont mécontents du fonctionnement de leur cerveau. Puis, contrairement à la croyance populaire, il y en a beaucoup qui pensent qu'avec l'âge, on a moins de mémoire. C'est pas vrai. Non, c'est faux. Ben, en fait, la capacité atteint son maximum, si on veut, entre 18 et 25 ans. Là, c'est là que nos capacités intellectuelles seraient à leur plus fort. OK. Parce donc que, là, je suis dans le déclin. Là. Non, mais en fait, c'est parce qu'on termine nos études, hein? Puis, on tombe un peu, si on veut, dans la paresse intellectuelle. Quand on tombe au boulot, là, on arrête d'étudier, on arrête de mémoriser des choses. On tombe dans notre confortabilité intellectuelle. Dans nos petites pantoufles. Là, ça diminuerait seulement de 10 % après 18 à 25 ans. Puis ça, c'est une moyenne. Donc, c'est sur l'espérance de vie, là. 10%, pas 10% le lendemain de tes 25 ans. Non, c'est ça, en tout, là, avec le temps. Donc, en fait, il s'agit de la muscler, hein, cette mémoire-là. Vous savez qu'il y a des logiciels qui existent pour ça, le Brain Age, là, je crois. Est-ce que c'est bon sur Nintendo DS? Je ne les connais pas, mais je sais qu'ils en développent de plus en plus. Oui, il y a plein de petits jeux, hein, comme Big Brain Academy, des choses comme ça. C'est tous des petits jeux qui développent la mémoire. La vitesse intellectuelle aussi, c'est plutôt ça. Donc, garder les réflexes intellectuels, hein, c'est pas tout d'avoir des bons réflexes physiques, là. C'est assez intéressant. Puis, ça se développe aussi dépendamment de si on se met au défi. Donc, en fonction de notre intérêt, hein, par exemple, quelqu'un qui aurait une opportunité d'emploi en Allemagne, québécois, puis là, on lui dirait, bon, ben, il faut que tu apprennes l'allemand, hein, parce que tu vas t'en aller là-bas. Ben, il y aurait l'intérêt à l'apprendre, donc il pourrait l'apprendre beaucoup plus vite que s'il le faisait simplement pour le plaisir, sans avoir trop un objectif. Quand tu vois l'utilité au bout de la chose, écoute, c'est ça va facile. Mieux, c'est ça. Tu tripes sur une fille latina, tu sais, genre, fait que tu apprends l'espagnol vite, mettons, tu sais. Ah. Hein? Ça peut. L'amour, hein? L'amour! La communication. C'est ça. C'est le lien social. Peut-être. Donc, c'est un peu ça pour la mémoire. Bon, je voulais pas trop aller vraiment dans ce champ-là parce que ça reste que c'est assez général. Moi, c'est vraiment stratégie d'études. Ouais. Hein? Donc, c'est ça qu'on voit. Ce qu'on veut, c'est réussir nos examens. C'est ça, réussir nos examens. On veut pas leur tenir pendant 20 ans. Il faut. Fait, c'est ça qu'il faut se mettre en tête. C'est un peu le débat dans lequel je suis avec mes étudiants ces temps-ci. Plutôt de se dire, bon, je fais des études à l'université dans le but d'être un bon professionnel. Un étudiant qui prend pas le temps de comprendre ce qu'il fait, hein, qui va juste se bourrer la tête. La plupart des étudiants, c'est ça qu'ils font, la veille des examens, 2-3 jours avant. Des étudiants qui étudient une semaine à l'avance, c'est assez rare, hein? Puis, ça peut prendre peut-être 5 à 10 ans avant de devenir un professionnel autonome. Pour les étudiants qui font ça, dans le sens qu'ils vont toujours poser des questions à leur patron, à leurs collègues. Ils ne seront jamais totalement compétents, là, si on veut, tout de suite. Mais quelqu'un qui prend le temps de comprendre, de mémoriser, de réviser. Pourquoi je le fais? Comment je le fais? C'est ça, à quoi ça me sert? Même si le cours est un peu moins intéressant, en fait, il faut aller chercher la matière. Il ne faut pas se fier sur le côté intéressant ou pas. Puis, comment faire ça? En fait, c'est en révisant chaque semaine après ses cours. Après chacun des cours, réviser après. Relire les notes pour s'assurer d'avoir tout compris, pour ne pas arriver aux examens puis faire je me rappelle plus c'est quoi ça. Puis là, on ne l'étudie pas finalement parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Tu nous avais donné une formule là, pour le nombre d'heures de classe, combien de temps qu'il fallait étudier après. C'est environ 5 heures par cours. OK, oui. Donc, ça en fait pas mal. Là. Ouais. Quelqu'un qui a 5 cours par semaine, 25 heures d'études à la maison, plus les 15 heures de cours. Plus la job. Bonne semaine de 40 heures. Oui, c'est ça, ça s'accumule assez vite. Parce que, en fait, plus vous révisez proche du cours, plus vous retenez. Donc, si on révise une heure après un cours, on retient 80 % de l'information. Je pense qu'on en avait parlé de ça l'autre fois. Donc, ça fait ses preuves. Donc, pour avoir le 100 %, il faudrait étudier directement en sortant de la classe, tu t'assois sur un banc, tu relis ça, non? Ben, en fait, c'est que c'est après, quand on va étudier, qu'on va combler les blancs, si on veut, là, qu'on va mémoriser certaines parties, hein, parce que, on peut pas tout juste comprendre. Il y a des choses qu'il faut quand même mémoriser. Puis c'est là qu'on va aller chercher le 100 %, là. Ça parle beaucoup. Puis les étudiants qui font ça, la révision après les cours et avant, hein, on en a parlé là, la dernière fois de ça. Pour se remettre dedans, ils ont à étudier beaucoup moins aux examens. Donc, ça leur permet d'avoir du fun quand même, de faire d'autres choses, de relaxer s'ils en ont besoin. D'éviter peut-être les 5 heures d'études. La dernière semaine? Non, mais 5 heures d'études par cours, là. Tu sais, ça peut être moins si, en fait, on le fait tout de suite non, après. Non, en fait, il ne faudrait pas que ce soit moins que parce que ça devrait être même au maximum jusqu'à 9 heures d'études par cours. Puis les étudiants qui réussissent bien, c'est le temps qu'ils mettent aussi. Puis évidemment que c'est le fait d'être efficace quand tu étudies. Parce que c'est pas tout de mettre 50 heures d'études si tu n'es pas efficace puis que tu comprends pas la moitié. c'est pas mieux non plus. Donc, la révision après, c'est assez bien. Quand vous arrivez dans la période d'examen, l'idéal, hein, on me demande ça tout le temps, combien de temps avant un examen il faudrait que je commence à étudier? Ben, l'idéal, tout de suite! Ben, tout au long de la session, hein, ouais, avec la révision. Mais l'idéal, c'est 2 semaines avant. Ça, c'est un idéal. Par contre, ben, regardez tu un commences peu, l'étude 2 semaines avant? Oui, l'étude sérieuse pour l'examen qui s'en vient. Donc, 2 semaines avant. En fait, c'est que ça coupe beaucoup le temps passé à étudier des longues périodes. Si tu commences à étudier plus tôt, tu peux étudier un demi-cours par jour, par exemple, 2 semaines avant. Fait que c'est beaucoup moins lourd. Tu te donnes la chance aussi de revenir, de t'assurer d'avoir compris, puis tout ça. Fait que ça enlève beaucoup de stress. Mais ça, c'est un idéal. Moi, je vous dirais, je me suis rendu compte, bon, admettons un étudiant qui étudie 2 jours avant un examen. Si déjà il se dit, je vais doubler ce temps-là, je vais étudier 4 jours avant, c'est déjà très bon. Mm-hmm. Donc, plutôt que de se dire, je vais commencer 2 semaines à l'avance, par exemple, puis tu commences 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ah, finalement, il me reste 1 semaine et demie. Je vais attendre, je vais continuer plus tard. Donc, c'est peut-être mieux de commencer le double du temps avant de ce que vous faites déjà que de tout de suite se dire 2 semaines. Donc, l'idéal, c'est améliorer ses conditions. Oui, améliorer. Tranquillement, pas vite, c'est ça. Puis, c'est toujours du général au particulier. Hein? Toutes les stratégies d'études, c'est toujours d'aller voir d'abord avant de commencer. Tu ouvres ton livre, tu commences à étudier, à mémoriser les choses. C'est d'aller revoir l'ensemble. Donc, en gros, le cours, c'était quoi? Il était situé où? C'était quel thème? On parlait de quoi? Pour te remettre dedans. Donc, c'est comme ça que tu vas plus faire des liens puis te souvenir efficacement de la matière. Donc, toujours du général au particulier. OK. Étudier par bouchée aussi, hein? Donc ça, on en a parlé. Bon, éviter d'étudier 5 heures en ligne. Toujours y aller par 30 minutes, 1 heure. Après, on fait une pause, on revient. Récompensez-vous, tu nous disais. Se récompenser, oui. Prendre le temps de s'arrêter pour prendre des pauses. Hein? Parce que votre cerveau, sinon, va s'épuiser. Puis c'est là que... Il n'y a pas des pauses de 3 heures. Là. Non, non, non. Des pauses, ça devrait être maximum 15 minutes. C'est comme le jogger, là. Bon, s'il prend une trop longue pause, ses muscles redeviennent à l'état repos, si on veut. Donc, c'est la même chose avec le cerveau, là. Il ne faut pas prendre des trop longues pauses. Aussi, prenez l'habitude d'étudier dans des ordres différents. On étudie toujours, on part du début jusqu'à la fin. Dans le milieu, on est fatigué, donc le milieu, ça rentre un petit peu moins. Donc, des fois, commencez par le milieu ou commencez par la fin. Puis, quand vous commencez, dites-vous, bon, c'était quoi qui venait avant déjà? De quoi je me souviens qui était là avant? Puis, c'est là que vous allez créer l'empreinte. C'est ça qu'on veut. Hein? Quand on étudie à l'examen, on veut créer une empreinte. On veut devenir maître, si on veut, de ce qui nous a été montré dans le cours. Donc, commencer dans des ordres différents, c'est plus stimulant aussi. T'as l'impression d'être plus proche de la fin, ça? Quand tu commences au milieu, c'est comme, hey, la fin s'en vient. Ben, alors, aussi, oui, c'est ça. Ben, il y a comme un petit regain toujours à la fin. Hein? On se dit, ah, il en reste pas long. Donc, ça peut être moins lourd. L'ordre différent, c'est assez bien. Il y a plusieurs méthodes aussi pour mémoriser. Donc, tout ce que vous pouvez associer à des images. Donc, il y a beaucoup de concepts hein, qu'on peut associer à des images ou même quand on vous présente un théoricien, un chercheur connu ou quelque chose, allez googler son nom, voir de quoi il a l'air, puis associer des caractéristiques physiques à son nom. Faites-vous une petite marionnette sur un bâton? Non? Ben, peut-être tout au long de la session. Il ne faudrait pas perdre de temps en mi-session là-dessus, mais ça fun, pourrait ça. Être... C'est une pause, une bonne... bricolaire. Voilà, oui, c'est ça. Donc, l'association d'images... Ça fonctionne très bien. Plus ça peut être inusité, cocasse, drôle, etc., plus ça va être fort. Hein? Parce que les choses dont on se souvient, c'est les trucs qui sont amusants ou les trucs très... les trucs à sensations fortes, en fait. C'est de ceux-là qu'on se souvient le plus longtemps. Aussi, fonctionner par rime, ceux qui sont plutôt auditifs. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire rimer aussi. Ça fonctionne bien. Ou les lettres de chaque premier mot. Voilà, oui, c'est ça, les acronymes, les acrostiches. Puis en passant, il y en a un hein, pour retenir les 5 grands lacs. Oh. C'est Holmes. Vous savez, maison en anglais. Oui. Donc, pour retenir les 5 grands lacs, Huron, Ontario, Michigan, Érié et Supérieur. Hey. Donc, si vous retenez Holmes, et voilà, vous connaissez les 5 grands lacs. Et en plus, je crois que c'est même dans l'ordre. Il faudrait vérifier. Non, c'est faux, hein, parce que l'Ontario est en premier, je pense. En tout cas, peu importe. Je sais pas. Mais c'est un bon truc pour retenir les 5 grands lacs, comme le fameux « Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. » Ouais, il marche plus. Là. Pluton a été rétrogradé. Ah, pauvre Pluton. Mais dans mon cœur, c'est encore une planète. Ouais. On a une nouvelle phrase pour ça, non? Ben, en fait, c'est « Mon vieux, tu m'as jeté sur une navette. » Ah, pas bien. Oui, puis pour votre information, saviez-vous que le MAAS, c'était pour repérer la ceinture d'astéroïdes? Ils ont pensé à leur affaire. C'est quand même bien, hein? Faudrait en avoir un pour retenir l'ordre des chroniqueurs dans son logerie. Ouais. Ouais, ça pourrait être bien. Ben, dans le fond, c'est d'y penser, hein, parce que des fois, on va se faire un mot. Il y a des étudiants qui vont juste retenir la série des premières lettres, mm-hmm, hein, de chacun des mots. Mais si ça ne fait pas de sens... Ouais, on retient pas ça. Si tu dis c'est, si c'est plus dur de retenir la phrase que ben le mot ou les lettres, là comme C C D R R là, bon, c'était quoi les deux C, c'était quoi les deux R, bon, donc à ce moment-là, c'est mieux d'y aller peut-être par les premières syllabes. Ah oui. Ou même des fois de se faire une phrase avec les premières lettres ou avec les premières syllabes toujours. Donc ça, c'est une bonne façon de retenir. Les grands présidents qui ont des discours à faire vont utiliser la méthode des lieux. Donc ça, c'est surtout pour les trucs à étapes. Quand vous avez à mémoriser des trucs à étapes ou un oral, justement, que vous avez à dire dans un ordre particulier, c'est d'associer à un endroit où vous passez souvent, comme par exemple, les grands présidents vont aller dans leur jardin, pratiquer leur discours en se promenant dans le jardin, puis vont associer, par exemple, au banc qui rencontre telle partie du discours, à la balançoire un peu plus loin, telle partie du discours. Puis en fait, puisque c'est raccroché à quelque chose que vous connaissez concrètement, ça va rester. Donc là, le gros défi là-dedans, c'est d'avoir plusieurs milieux, là, plusieurs endroits pour faire la même opération. Mais par exemple, partir sa voiture, ça peut être une bonne façon de le faire. On a tous les mêmes gestes qu'on fait dans un certain ordre, ou partir du café le matin, ouais, par exemple. Des choses comme ça. Donc ça, ça peut être utilisé. Oui, très bon ça. Vous avez aussi la formulation de questions. Ça, c'est super bon, hein, comme façon d'étudier. Parce se que formuler des questions? Oui, se, ouais, formuler des questions. Dans nos mots? Oui, dans vos mots à vous. Il y a trois façons de le faire. Vous pouvez... il y a un beau petit logiciel sur Google. Vous pouvez aller voir ça. C'est Anki. A-N-K-I. Okay. Anki. C'est un petit logiciel gratuit qui vous permet de vous faire des intelligent flashcards. Oh. Donc, bon, vrai, cartons, sur Google. Oui, c'est ça. C'est sur le même principe, les petits cartons. Comme questions, pour les mathématiques, réponses, les affaires comme oui, ça. Oui, oui, oui. C'est ça. Donc, c'est un logiciel. Puis, vous allez sur YouTube, vous tapez Anki, A-N-K-I, puis on vous montre, ouais, plein de petits tutoriels là, pour utiliser le logiciel parce qu'il est en anglais. Ouais. Mais il est très simple à utiliser. Puis, ce qui est super, c'est que vous pouvez classer vos questions par ordre de difficulté. Vous pouvez lui, c'est dire, cool, « Fais-moi un programme de révision. Je veux que tu m'envoies 30 questions par jour sur tel cours. » Puis, ce qui est bien aussi... Il y a même une application aussi pour les téléphones intelligents. Ah, je sais pas. Ça se peut bien. iPhone, Android, oui, aussi. Wow, voilà. Excellent. C'est de plus en plus connu. Puis, ce qui est bien, c'est que, bon, vous pouvez, hein, une autre méthode, c'est de les faire fameux, les fameux petits cartons. Oui. Souvent, le problème avec ça, c'est que les étudiants, ils n'ont pas de limite, là. Ils veulent faire des questions pour tous les points du cours. La première chose à avoir en tête quand on se fait des questions, c'est qu'il ne faut pas que ça couvre tout le cours. Le but, c'est juste que, en période d'examen, quand vous êtes tanné d'étudier la matière en tant que telle, vos notes, vous pouvez mettre ça de côté puis procéder avec vos questions. Mais vos notes sont encore là. Donc, pas besoin d'avoir tous les détails. Vous pouvez y retourner après pour des petits détails. Donc, se faire des questions d'ensemble. Peut-être une trentaine par cours, c'est suffisant. Une trentaine, oui? Oui, une trentaine, okay, ben, ça dépend de l'ampleur du PowerPoint puis tout ça. Oui, oui, ouais, c'est, hein, ça, exactement. Puis ça se prête pas pour tous les cours, hein, non plus. Non, c'est ça, exactement. Et si j'ai, dans mon cours, en fait, j'ai le droit à mes notes de cours pour l'examen? Ben oui, ça, c'est des examens à livre ouvert. Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Là, j'ai plus ou moins besoin de retenir par cœur, mais de savoir vraiment l'information est où. Oui, il faut bien maîtriser le contenu. Puis, okay, dans le fond, c'est de préparer ses notes avec des post-it, table de matière, tout ça. Pour éviter de chercher, là. Oui, c'est ça. Okay. Puis, moi, je dis aux étudiants d'apporter des post-it de plus pour, des fois, quand vous trouvez vos réponses aux questions, de mettre un post-it là, puis à la fin, quand vous allez réviser, vous allez pouvoir retourner, par exemple, toutes les post-it jaunes, c'est les réponses aux questions d'examen. Pas bête, donc, ça pas permet bête, pas de bête, réviser assez rapidement. C'est fou comme le temps passe vite. Ben oui. 89 tout heures. Tout un jeu de mots. Wow. Ben, moi, j'aurais peut-être envie d'écouter une petite chanson. Okay. Qu'est-ce allons-y, que vous en pensez? Ouais. Ouais. Oh, oui. Donc, mettons, les Foo Fighters. Les Foo Fighters, ça serait pas pire. On est toujours sur la fameuse trame sonore de Godzilla. Hey, mon Dieu, ben oui. Très bonne chanson, c'est A320. Oui. On écoute les ça? Foo Fighters, et voilà. Puis pensez à prendre un post-it, mettez-le sur le dos de quelqu'un, puis marquez « botte-moi ». Ça peut servir à ça aussi. Hey, que t'es déplaisant. Hey, coquin. We'll be right back. Foo Fighters, c'est la pièce A320 à Assemblage Requis. C'est toujours la chronique du bureau de la réussite étudiante avec Véronique Mire. Eh oui, toujours présente. Bonjour. Voilà, revoilà. Donc, on parle de quoi ce matin encore? On parle de la préparation aux examens, la mémoire. Puis en fait, juste avant la musique, la chanson des Foo Fighters, je vous ai dit qu'il y avait trois façons de se faire des questions, puis j'en ai seulement dit deux. Mm-hmm. avant qu'on parte en pause. Donc, il y avait le petit logiciel Anki, je vous rappelle, là, A-N-K-I, gratuit sur Google. Et qui est disponible là, pour tout, là, ordinateur, téléphone... Mac PC, Mac PC, Linux même. Wow! Donc, pratique, très pratique. Ouais, ouais hein, c'est bon à savoir. Ouais, ouais, gratuit, je savais pas que ça existait. Gratuit, on aime ça quand c'est gratuit. Ouais, tout à fait. C'est mieux de même, c'est mieux de même. Donc okay. Troisième façon d'étudier, en fait, de cultiver sa mémoire ou presque. Oui, genre, en fait, pour faire des questions. Les cartons questions-réponses qu'on peut utiliser, hein, les petits cartons de recettes, faut faire attention pour ne pas tomber dans l'abus, comme je le disais avant ouais. la. Ouais, trop, c'est comme pas assez, là. Donc, puis, où vous pouvez aussi écrire des questions au verso de vos PowerPoint. Au verso de vos PowerPoint. Faites imprimer vos notes. Suivez leur bord, t'écris sur le. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, c'est super efficace parce que t'as déjà la réponse sur ton PowerPoint. Fait que tant qu'à prendre des cartons puis écrire la réponse et la question, t'écris juste la question. Puis quand t'es tanné d'étudier à tes examens, bon, ben, tu revires tous tes PowerPoint de bord puis t'étudies juste avec les questions. Ah. En fait, c'est beaucoup plus stimulant. Hein? On aime ça se faire poser des questions. J'avoue. Ça peut être une bien bonne stratégie. Mais pour moi, en fait, ce qui fonctionne bien, c'est vraiment tout de réécrire. Question-réponse. Ouais. Juste de te voir écrire toi-même. J'écris. Écoute, ça peut-être deux, trois copies, même de temps en temps. Là, tu peux te faire une chanson aussi? Non, t'aimes pas ça? Jamais bon. Pas très bon. Ben, ça dépend de. Ouais, c'est ça. Ça dépend du type d'intelligence de chacun. Il y en a qui font ça, qui vont étudier en rap, si on veut. L'intelligence musicale. Pas le niveau, l'intelligence. Donc, c'est vrai que réécrire ses notes, il y en a beaucoup qui font ça, mais l'important, c'est tout le temps de prendre le temps de les comprendre quand tu les réécris. Parce que si tu fais juste les réécrire, recopier, c'est pas valable. Il faut prendre le temps de comprendre et hiérarchiser le tout. Aussi, ce que vous pouvez faire, donc, vous avez toutes sortes de techniques de mémorisation. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il n'y a jamais personne dans notre vie qui nous a dit qu'il fallait étudier assis et en silence. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Mais il n'y a jamais personne qui nous a dit qu'il fallait étudier comme ça. Donc, pourquoi pas étudier debout, à voix haute? C'est vrai. Promenez-vous, faites les 100 pas. Il y en a qui vont étudier sur un ballon d'exercice aussi. C'est bon, ça, sautiller un petit peu. Ça, oui, hein, pour être actif. J'aime ça. Oui, j'aime ça, cette idée-là. Moi, ça bouge. J'aimerais ça étudier en jouant au badminton. Ah. Non, mais sérieux. Question-réponse. Ben, tu sais. Non, c'est vrai. Ben, j'aime ça. Ça pourrait. Ce que je comprends pas, c'est, tu sais, on parlait du cours, c'était pas réussir ses études au QTR 101. Oui, réussir ses études. Mais oui. Il devrait y avoir un cours au secondaire pour savoir comment étudier après ça. Parce que là. Il faudrait commencer plus tôt. Ben, pour vrai. On commence à apprendre l'anglais, genre en troisième année, je sais pas quoi, mais on apprend pas à étudier, tu sais. Ah non, ça, c'est sûr. Oui. Puis tout le monde mémorise à la dernière minute le plus qu'ils peuvent. Tout pareil. Donc, variez vos façons d'étudier. Ça va devenir plaisant. C'est comme ça que vous allez vous souvenir aussi de ce que vous faites pendant vos études. Puis, évitez le bourrage de crâne jusqu'à la dernière minute parce qu'on en a parlé en début de chronique. Ça, c'est l'effet de récence. Hein? Donc, par exemple, il y a une notion que ça vous a pris 2 heures à retenir. Puis là, c'est bien acquis. Vous ne revenez pas dessus. Mais à la dernière minute, vous revenez sur les trucs plus difficiles autres. Bon, ben ça se peut que la notion que ça vous a pris 2 heures à vous rentrer dans la tête, elle s'en aille. Elle est disparue. Oui, parce que c'est l'effet de récence. Oh, ça provoque du stress aussi, de la fatigue nerveuse, de l'anxiété de faire ça. En fait, c'est qu'on se fait pas confiance. On le sait qu'on aurait dû commencer à étudier à l'avance. On est déjà stressé en partant, là. Ça aide pas, là. C'est ça. Donc, quand vous arrivez dans la classe, il y en a qui vont écouter de la musique, par exemple, faire d'autres choses, vraiment décrocher. Évitez d'écouter les anxieux qui se posent des questions juste avant l'examen. Même la musique, c'est bon parce qu'on les entend des fois, puis on fait « Oh non, c'est vrai, c'était quoi ça déjà? Je m'en rappelle plus. » Puis là, on panique. C'est vrai. Et évitez aussi les gens qui ont l'air trop confiants. Et qui n'ont pas de l'air, tu sais, je ne vais pas étudier, c'est facile. Non, il y en a qui réussissent bien quand même. Ben, en fait, les gens qui étudient pas, souvent, c'est qu'ils vont réviser à chaque fois, après les cours. Ben, ça qu'ils vont faire. Bon, non, ça, c'est sûr. C'est comme les gens qui nous disent qu'ils ne sont jamais stressés, là. Ils ne sont pas stressés, mais ils ne dorment pas bien, ils ont mal au dos, ils ont mal là. Bon, finalement, c'est d'autres choses. Évitez ça à la dernière minute aussi. Bon, un dernier petit conseil. Quand vous arrivez à l'examen, s'il y a des trucs que ça a été difficile à rentrer, des trucs que vous voulez être vraiment sûr de ne pas oublier, retournez l'examen de bord puis écrivez-les. Okay. Faites-vous un petit coffre de sûreté, si on veut, là, avec les notions difficiles. On ouvre le tiroir. Oui, c'est ça. Puis comme ça, pendant l'examen, si jamais vous avez un peu de panique puis que vous oubliez des choses, vous retournez voir ça. C'est écrit là. Ça, c'est une bonne stratégie. Puis évidemment, logiquement, là, on n'a pas parlé trop de comment faire l'examen. Ça pourrait être l'objet d'une chronique de fin de session. Bonne idée. Mais commencez par les questions les plus faciles. Ben, on répond à tout ce qui se fait facilement. Okay. Ça, c'est sûr. D'emblée. Passez pas plus que 30 secondes sur une question. Si ça vous vient pas, passez à l'autre. Parce que ça, ça crée du stress, c'est sûr. Et s'il n'y a aucune question qui vous vient, ben là, il y a beaucoup de stress. Ben là, il faut prendre le temps de respirer. Écrivez votre nom en premier. Oui, ça vous donne la confiance. Lisez les consignes comme il faut aussi, mais la clé, c'est la lecture de la question. OK. Donc, souvent, on arrive à l'examen et on a juste hâte de s'en aller. Hein? C'est vrai. Donc, on est plus ou moins présent, là. Donc, prenez le temps de bien lire les questions. Soulignez les mots-clés dans la question pour vous assurer de bien répondre. Les verbes qui sont utilisés, est-ce qu'on vous demande de décrire, d'analyser, d'expliquer, de comparer? C'est toutes des choses qui sont différentes. Donc, lire bien les questions et prenez toujours le temps de vous réviser à la fin, même si vous n'êtes plus capable. Prévoyez-vous un 10-15 minutes de révision au moins pour être sûr, justement, peut-être que vous avez... on vous demande de calculer le bilan financier de telle personne. Puis, entre virgules, on a écrit « dans les 5 dernières années ». Puis, vous l'aviez fait seulement pour les 6 derniers mois, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est frustrant. Oui, c'est frustrant. Et en 10-15 minutes, tu n'as pas nécessairement le temps. Non. Mais au moins, tu l'as vu et tu peux te corriger. Mais, peut-être, Mais c'est vrai que en fait, là, réviser, ça peut pas nuire. Tout à fait. Puis si rien fonctionne, chalet à manches longues, écrit les réponses sur le bras. Non, mais c'est non. Ça. En fait, ça serait bien de le clarifier. Tricher, écoute, zéro. Ça marche pas. Il y a des sanctions ça, très importantes. Oui, le plagiat, tout ça. Ça peut entraîner, en fait... Même l'expulsion. L'expulsion, c'est ça, de l'université. Donc, pas de chance à prendre. C'est mérité dans ce cas-là, moi, je trouve, personnellement. Là, le copiage. Oui. L'expulsion est méritée. De toute façon, à l'université, je pense que si tu as besoin de copier encore, c'est peut-être pas fort. T'es peut-être pas dans ta branche. C'est ça. T'es pas à ta place, pas en tout. Évitez les gens qui vous arrivent. Hey, regarde, j'ai une copie de l'examen de la session passée. Good. Mais c'est peut-être pas le même, hein? Non, c'est le même aussi à un moment donné. C'est ça, même si c'était le même, t'as aucun mérite. Bref. Non, c'est ça, exactement. Et voilà. Donc, ça conclut. Excellente chronique. Ben oui, bravo. Je souhaite une superbissime journée. Tabarouette, hein? Ouais. Wow, je suis comme touché jamais sur le cas. Allez dehors. Il est bien émotif. Pensez à votre costume d'Halloween. Oui, tout à fait. Toi aussi, tu nous en parles la semaine prochaine. On va être plus proche d'Halloween. Tu vas arriver déguisé. Dans deux semaines, excuse-moi. Dans deux semaines. Tu vas arriver déguisé. On va être le lundi 29. L'Halloween va être le 31. Oh, c'est vrai. Fait que, donc, on peut espérer t'avoir déguisé. Le mercredi, peut-être. Oh. Non, le lundi. À suivre. C'est ça. Mais je ne me déguiserai pas en courant d'air. Ça veut dire que tu vas être là, c'est ça? Je vais être là, ben OK, oui, génial. Lundi 29 octobre prochain. Véronique Mire, merci. Merci. Du bureau de la réussite étudiante. On prend une petite pause et on vient avec Alexandra Carignan et sa chronique Le temps d'une culture. C'est fou depuis un bout. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Toujours à Assemblage requis, il est 8h41, François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Oui, et Alexandra Carignan qui vient d'arriver. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Quelle belle voix que j'entends là, là. Oh là là, oh là là. C'est grandiose. Et maintenant, je pense qu'on devrait arrêter de niaiser, OK? Oui. Parce que c'est le temps d'une culture. Alexandra. Bonjour Mathieu, bonjour François-Olivier. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Et que tu nous mets dedans, toi, là, avec ta petite musique, là. Je sais, elle est si bonne, hein. Mais ça, mais c'est vous, ce qui est bon aussi. Quoi? C'est l'art. Ah ben. C'est tellement une mauvaise transition. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai un choix artistique pour deux sortes de personnes. Premièrement, ceux qui aiment les arts visuels et deuxièmement, ceux qui aiment les spectacles. OK. Alors, premièrement, pour les amoureux d'art visuel et de bonne bière, eh bien, sachez qu'il y a une nouvelle exposition qui est présentée au Gambrinus et l'exposition s'appelle « Le qui ne risque rien n'a rien » de l'artiste photographe trifluvien Étienne Boisvert. C'est une exposition photographique sur le derby de démolition. Est-ce que vous savez qu'est-ce que le derby de démolition? Les autos de course là, qui rentrent dedans et puis... Les trucks. C'est le dernier véhicule à survivre. Exactement. C'est pas mal ça, en fait. Le derby ça, j'aimerais ça faire ça, là. Ah, que ça doit être c'est quand même très dangereux, là. Ben, tu roules pas super vite, là. Tu sais, En tout cas, mais quand même, là, c'est quand même un sport qui est très dangereux, mais quand même assez populaire au Québec. C'est une rencontre entre la course d'automobile, un peu, et les gladiateurs. T'sais, comme tu as dit, c'est le dernier... À survivre. Le dernier véhicule à survivre qui gagne la course. Et le but, c'est vraiment de détruire tous les autres. Mais c'est pas nécessairement une course dans le but de tout détruire, c'est aussi un spectacle. En fait, exact. La preuve, c'est que la troisième place va non pas à celui qui est le troisième à avoir survécu, mais bien à celui qui a le plus épaté la foule durant l'événement. Donc, c'est assez particulier. Il y a, c'est une course, mais c'est aussi un spectacle. Et c'est ce sujet-là qu'Étienne Boisvert a voulu représenter en photographie. Génial, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, c'est très particulier. Et l'origine de ça, il ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Il y a un blackout, il s'en rappelle pas qu'est-ce qui lui a donné l'idée de travailler sur le derby de démolition. Mais pour sûr, tous ces sujets photographiques, c'est des sujets hors du commun pour lui, en fait, qui ne lui ressemblent vraiment pas. Et d'ailleurs, Étienne Boisvert là, travaille au David City. Là. Je veux pas catégoriser personne, mais c'est le derby de démolition, David City. Ouais, c'est deux univers assez particuliers. Mais en même temps, qui n'a pas rêvé un jour d'écraser, ben pas nécessairement d'écraser, mais de rentrer dans quelque chose avec son auto? Ouais. C'est vrai. Ouais, j'avoue que j'ai quand même une tendance. Tu sais, non, mais hein, ça doit défouler, tu sais. Ou encore, ce qu'on pourrait faire, ce serait un derby Moreau. Foncer dans le derby Moreau. Oh. Ah, mon Dieu, j'aime ça. Non, mais il est fin, fait qu'on fera pas ça. Mais non, mais on pourrait prendre un autre chose. Le jeu de mots était bon. Merci. Alors, ce qu'on retrouve au Gambrinus, c'est certaines photos, parce qu'il en a pris beaucoup. Il a voulu montrer non seulement ce sport, mais c'est pas tant le sport qu'on voit, ce sont les acteurs sociaux qui sont dans ce sport-là. Donc, on voit des personnes qui ne sont pas habituées d'être prises en photo. D'ailleurs, l'artiste me racontait que il y a un gars qui a pris en photographie et le monsieur, ce qu'il a dit, c'est « Haha, la dernière fois qu'on m'a pris en photo, c'était en prison. » OK. Donc, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Hein? Et j'imagine que ça doit leur faire du bien aussi à eux autres. Ben, en fait, oui, c'est super intéressant de se faire prendre en photo et d'avoir une valorisation de leur sport aussi. Mais en même temps, tu sais, on parle pas de débile mental, on parle de campagnards qui font un sport qui n'est pas souvent sous le follow spot, surtout artistique. C'est une passion aussi, nous. Oui, c'est vraiment c'est une passion. Passion. Les gars, ils passent du temps dans leur garage, là, c'est incroyable, à essayer de ranger leur brette. Oui, et c'est plus que quelque chose. Il y a deux photos particulières qui sont assez intenses. Il y en a un qu'il gagne le trophée et tu vois qu'il pleure parce que c'est une fierté. Eh bien, c'est une fierté. De gagner le trophée du derby. Et il y en a une particulièrement que j'aime beaucoup. C'est deux messieurs, en fait, un jeune et un plus âgé. Et l'artiste m'expliquait, il dit, c'est un père et un fils qui se transmettent ça de génération en génération, le derby de démolition. Et c'est important de garder ce sport-là dans la famille. C'est le seul temps qu'ils passent ensemble. C'est arrangé l'auto, en fait. Ça, c'est génial pour vrai. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est le fun avec les photographies d'Étienne Boisvert, c'est que ça rend quelque chose d'humain au derby de démolition. C'est ce qu'on pense à un sport qui est vraiment, ouais, on sait bien, là, la campagne. Mais non, c'est vraiment, je trouve que ça met une belle valeur à ce sport-là. Tout on à a fait. Quasiment le goût d'aller voir un show de derby de démolition. Ça, c'est où? Je pense qu'il y en a du côté du Point du Lac. Est-ce que ça se peut dépasser l'autoroute, l'ancien cinéparc, là? Je sais pas. Je sais qu'il y a plusieurs festivals qui incluent le derby de démolition dans leurs activités. Il faut bien se renseigner, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de règlements. Là. Une cage, faut se protéger, un habit anti-feu, oui. Un casque. C'est très, c'est réglementé quand même. Là. C'est très réglementé et c'est quand, parce que c'est très dangereux. Là. Je veux dire, on se rentre dedans avec des... Oui, mais en même temps, on roule pas 200. Là. Non, mais... Je veux dire, hein? Ramassé sur le côté. Non, c'est sûr, mais tu sais, on roule dans le même sens aussi, là. Tu sais, pas de face à face aussi. Mais, tu sais, j'ai l'air d'un adepte, là. C'est mais... ça. T'as de l'air aimé ça pas mal. Hey, mais tu m'as allumé. Écoute, je pense que. On va voir ça. Au Gambrinus. Sincèrement, oui, au Gambrinus jusqu'au 6 novembre prochain. Les photos, moi, je les trouve sublimes. Si vous l'avez manqué au Gambrinus, donc si vous n'y avez pas été d'ici le 6 novembre prochain, il va faire un peu le tour de la Mauricie, là. Il va se retrouver d'ailleurs à l'affût et aussi au coin à Saint-Élie-Caxton. OK. Ça vaut la peine, sincèrement. Il y a un site, en ce moment, il est en construction, mais vous pouvez le garder en tête. C'est très simple, www.etienneboisvert.com. Alors, c'est simple, en effet. C'est simple. Et si vous voulez avoir un visuel, eh bien, il y a mon article dans Zone Campus qui va sortir au courant. C'est ça, mais est-ce qu'on a une photo? Oui, en fait, il y en a plusieurs. J'en ai mis une, plus particulièrement, qui m'a... touchée. Qui m'a touchée. Mais c'est ça, là. Il y en avait tellement que j'étais... Je savais pas laquelle prendre. Non? Il y a vraiment une belle qualité. Si vous connaissez la qualité de photo un peu, la qualité d'image de David Leblanc, là, ce qui est connu, c'est cette qualité-là. Cool. Alors, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout. Ça vaut la peine. Dans les derbys de démolition, ce qui manque, c'est des artistes invités, comme, mettons, Lindsay Lohan, qui est bonne pour faire des accidents de char. Là. Okay? Puis là, on pourrait appeler ça un derby, la coccinelle tout équipée. C'est son film, c'est Herbie, la coccinelle. C'est un film j'aimais avec mieux le derby Herbie Moreau. Ouais. Ouais, mais là, c'est Herbie aussi, en tout cas. Alors, ça, c'était pour le volet art visuel. Si vous aimez plus les spectacles ou la musique, je vous propose le nouvel album de Colin Moore. Colin Moore, si vous le connaissez, si ça vous dit quelque chose, eh bien, c'est que son dernier album, qui est paru en 2011, Leaving Home, a été nominé pour le prix de la relève musicale Archambault. Ils ont tout le temps un rack, là, prix relève musicale. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que Bernard Adamus avait gagné. Hein? Oui, c'est Bernard Adamus qui a gagné. L'année dernière. Donc, c'est pas un gage de calcul, donc c'est une blague. Oh, c'est une blague! Bernard Demus, c'est bon. Arrête, une blague. Arrête. M'excuse. Hey. M'excuse, allez. Elle lui ferme la bouche. Oui, clapet. Moi, je suis en amour. Moi, je t'écrase la tête. T'as-tu été voir un spectacle? Il était en spectacle. Ah, c'était débile. La semaine dernière? Eh oui. Ouais. Oui. Oui. En tout cas, c'est parce que je ne peux pas vous dire tous les scoops. Je vais écrire un article là-dessus. Mais c'est vraiment bon. C'est marketing. Ça vaut la peine si vous le pognez ailleurs dans la région, là. Allez, bon. J'avais l'impression d'être dans son salon. Bon. C'est débile. Alors, Colin Moore, pour revenir au sujet, a sorti son dernier album en 2010, Leaving Home, qui est très folk, pas tant rock. Pop? Donc plus non, pas du tout. C'est folk à tendance rock, mais beaucoup folk. C'était des belles mélodies. Il y a une belle voix, comme un peu grave. Il aime beaucoup gratouiller de la guitare. C'est très, très bon. Et là, pour son nouvel album, qui s'appelle The Heart of the Storm, il a décidé d'aller vraiment dans un côté plus rock. En fait, il a vraiment délaissé les mélodies douces mélancoliques pour aller vers un retour aux sources, parce que c'était le chanteur d'un groupe punk à la base. Ah, ah ouais, c'était quoi? Suburban Trash. Oh, okay. C'est, je connais pas ça. Déchets de banlieue. Wow. Mais quand même. Ça représente bien Bernard Adamus, ça. On vient à Colin Moore. On revient à Colin Moore. Alors, il a voulu mettre un peu plus de rock dans son dernier album et ça sonne. C'est vraiment très différent. Là. Tout en gardant la touche Colin Moore, les deux albums ne se ressemblent pas. Là. Pour ceux qui disent « Ouais, ben tiens, le deuxième album est pas mal comme le premier », ben ça arrivera pas avec Colin Moore. Okay. Pour le mieux ou... Pour le mieux, ouais. En fait, oui, pour le mieux. C'est une adaptation, parce que si on est habitué aux mélodies un peu plus douces... C'est ce qu'on aimait. C'est ce qu'on aimait, mais on connaissait... On aime beaucoup son côté rock aussi, qui est vraiment... qui rentre dedans des bonnes mélodies, des textes un peu plus lourds aussi. Il a écrit deux chansons dès le départ, qui est Heart of the Stone puis Bible. Et à partir de ça, lui et son guitariste là, avec qui il fait équipe, ils ont dit « Ben, on va faire ce concept, on va faire ça, la vie va mal. » Et les textes sont beaucoup plus lourds. Là, que le premier, Leaving Home, était plus... c'est ça, là, justement, plus mélancolique, amoureux. Et là, on change de et pour le mieux, vraiment, là, je l'ai dit, ça vaut la peine d'écouter le CD. Ça brasse plus, mais il y a vraiment une belle ambiance. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est en spectacle, puisque à sa première tournée, Leaving Home, c'était très acoustique, très folk, comme je l'ai mentionné. Donc, deux guitares, parfois un band, mais pas, tu sais, qui dérange pas trop. Tandis que là, avec l'ambiance un peu plus rock, là, c'est pas un duo avec son guitariste, c'est vraiment le band qui va être là. Et ça, Colin Moore, il aime ça, parce qu'il va pouvoir jouer dans le spectacle. C'est pas juste un spectacle d'1h30 avec deux guitares, là. Parfois, il va pouvoir y aller solo, parfois duo et plus souvent avec le band. Et ça, il aime ça, transmettre cette énergie-là. Je parle de spectacle parce qu'il va être bientôt ici à Trois-Rivières, soit à la salle Louis-Philippe Poisson le 18 octobre, donc c'est jeudi de cette semaine. Et à la salle Louis-Philippe Poisson, je vous rappelle, ce n'est pas dispendieux comme spectacle, c'est 18$. Et ça vaut la peine. C'est une très bonne ambiance. On dirait qu'on est à côté du chanteur. On peut quasiment y offrir une bière. Très bien. Et si vous le manquez au mois d'octobre, eh bien, sachez que le 2 novembre prochain, il va être au Café culturel Chasse-Galerie, non pas à Trois-Rivières, mais à Lavaltrie. Et ça aussi, là-bas, là, c'est très, très intimiste. Ça vaut la peine. Moi, c'est mon coup de cœur musical. Oui, il y a eu Bernard Adamus ce mois-ci, là, mais mon coup de cœur... c'est vraiment Colin Moore. Ouais. Et d'ailleurs, je vous ai emmené une chanson qui est la pièce titre de son deuxième album, Art of the Storm. Et vous allez voir, là, le rock rentre dans la place. Colin Moore avec Heart of the Storm. On vient d'entendre Colin Moore avec A Heart of the Storm, qui sera en spectacle à la salle Louis-Philippe Poisson le 18 octobre prochain, si oh, vous avez aimé ça. Oui, en fait, c'est jeudi de cette semaine. Sinon, je vous rappelle qu'il est au 2 novembre. Il est au 2 novembre. Le 2 novembre au Café culturel Le Chasse-Galerie à La Valtrie. OK. Alors, pas ici, là. Non, à La Valtrie. Pas la bonne Chasse-Galerie, l'autre, là, les copières. On sait pas qui a commencé, hein. D'après moi, ça doit être eux, ça fait un peu de son. Mais c'est pas grave. Non! Alors, je vous rappelle, si vous êtes amoureux des arts visuels, c'est au Gambrinus qu'il faut aller, puisqu'il y a l'exposition d'Étienne Boisvert, qui ne risque rien à rien. Et si vous êtes plus art, spectacle, folk rock, eh bien, c'est Colin Moore, le 18 octobre prochain, à la salle Louis-Philippe Poisson, avec son nouvel album Art of the Storm, qu'on peut se procurer dans tous les mondes musicaux. Quoi que Colin Moore, il y en a qui diraient que c'est de l'art visuel aussi. Alexandra Chang. Oh. Je vous dirais que oui. Il est bien sculpté, mettons. Il est très bien sculpté. Alexandra Carillon, on te retrouve au boudoir à 18h ce soir? Oui, exactement. Ça va être bon. Okay. Non, mais ça va être bon. D'ailleurs, ouais. Il va y avoir la nouvelle chanson. C'est de... toujours bon. Non, il va y avoir la nouvelle chanson de M et des nouveaux extraits de Yann Perrault, son nouvel album À genoux dans le désir. Est-ce qu'il est sorti son nouvel album ou oui, il sort demain? Il est sorti mardi dernier. Ok, ok. À genoux dans le désir. J'aime tellement ça comme titre. C'est drôle. Je suis en amour avec ça. Je trouve ça tellement beau. Bref, avec la poésie de Claude Péloquin. Voilà. Donc, c'est le boudoir ce soir, 18h. Exactement. T'as aussi des palmarès, c'est fou avec moi-même? Oui, avec une partie des palmarès cette semaine. Oui, bien, on te prend quand t'es là, puis on apprécie énormément. Donc, jeudi, 15h à 18h, et puis une autre chronique, Le temps d'une culture, lundi prochain à 8h30. Chance. Oui. Comme style. C'est confirmé qu'on peut dépasser avec toi? Ah oui, c'est ça. Oui, je voulais t'en parler. Ben, on va... Ben, merci. Ça me fait plaisir. Merci, merci beaucoup. Oui. Je trouve que c'est le moment approprié pour terminer l'émission aussi. Faut se dire bye. Ben oui, faut se dire au revoir à tous. À demain. À demain, 7h à 9h. Et demain, à l'émission, qu'est-ce qu'on a, François-Olivier? Mettons, on commence à 7h30 avec Maxime Tanguay. Oui, Maxime Tanguay, effectivement. Vers les 8h, on reçoit Michel Lebrun. Chronique juridique, ça? Chronique juridique, judiciaire, justice... D'ailleurs, il était dans le Vélis, hein, samedi dernier. Hein? Ouais, Maître Lebrun, on va en parler demain, je vais essayer de l'amener. On va essayer d'y penser. Bonne idée. Et ensuite, à 8h30, David Ferron et La langue dans ton oreille, c'est demain entre 7h et 9h. Allez voir sur cifou.ca pour la programmation complète qui continuera avec le dîner de con à 11h tout à l'heure, suivi à 13h de l'examen final avec Maxime Tanguay et Simon Fitzbé. La reprise des palmarès avec moi-même à 14h et à 18h. Le boudoir, 19h, le voyage insolite. Et passez par assemblagerequis.com pour une note de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte avec une pièce de Passion Pit. Ils l'ont performée à Saturday Night Live samedi dernier. Oh! C'était écœurant, leur performance. C'était bon. C'était débile. Je ne tripe pas performance live, là, mais je trouve que celle-là était bonne. Passion Pit, on va se quitter avec Carried Away parce qu'ils ont aussi fait Take a Walk, mais sur le palmarès, on l'entend souvent. Donc, Carried Away, Passion Pit. Bonne fin de journée. Bye tout le monde! Bye bye! Bye! Bye. Yeah! Be seen.